Je passe la parole à Chantal Jacquet, donc qui est, vous le savez, spécialiste de Spinoza et qui a publié il y a 2 mois, apparemment, la philosophie de l'odorat au PUF. Voilà. Merci Madame la Présidente. Je voudrais d'abord remercier Élodie Cassan et Marion Chautin pour cette belle initiative. Et je voudrais ouvrir la réflexion à partir d'un des modèles de système au XVIIe siècle, face auquel se sont situés les encyclopédistes, Spinoza, la systématicité à l'épreuve. Alors avec Hegel, Spinoza est souvent présenté comme le modèle du penseur systématique. Wolf considère ainsi l'auteur de l'éthique comme l'exemple même de la plus parfaite systématicité. Ce jugement, qui est devenu un lieu commun en philosophie, prend appui sur l'idée que, chez Spinoza, la totalité des choses peut se déduire d'une substance absolument infinie, appelée Dieu ou la nature, et que l'ordre et la connexion des idées est le même que l'ordre et la connexion des choses. Ainsi, l'être et le connaître ne font qu'un et sont l'expression d'un principe unique qui se décline selon une infinité d'attributs. Il est donc clair que si l'on désigne sous le terme de système philosophique une tentative d'explication universelle de la totalité des choses par leur réduction à un petit nombre de principes ou un principe unique, et il est clair que Spinoza, dans ce cas, peut apparaître comme un archétype. Rien en droit ne demeure obscur ou incompréhensible, mais tout obéit à ce qu'Alexandre Matron a appelé le principe d'intelligibilité intégrale du réel. Pourtant, certains commentateurs font observer que l'œuvre de Spinoza ne répond pas aux exigences d'une visée systématique et que des pans entiers du réel ne font pas l'objet d'une approche philosophique et demeurent inexplorés. D'une part, l'homme ne connaît pas l'infinité des attributs, mais il doit se cantonner à l'étendue et à la pensée. Et d'autre part, le système, si système il y a, comporte des lacunes considérables. Une physique manifestement sommaire, une esthétique fantôme et quantité d'autres domaines qui ne sont pas compris dans le champ du savoir, ne serait-ce qu'à titre programmatique. Dès lors, il est possible de se demander si ces manques patents ne sonnent pas le glas d'une pensée systématique et si la démarche de Spinoza ne constitue pas ce qu'on pourrait appeler la contre-épreuve privilégiée, attestant de l'échec et de l'impossibilité d'une visée systématique. Alors, plutôt que d'entrer dans la polémique qui consisterait à pointer les failles spéculatives de Spinoza pour nourrir la critique antisystématique, plutôt que de faire au contraire l'apologie de sa philosophie en défendant envers et contre tout l'esprit de système, ce qui présente un intérêt, disons, limité, il me semble plus instructif de se pencher sur le projet spinoziste lui-même afin d'y observer la systématicité à l'épreuve et de voir comment il est possible de la penser. Il convient d'abord de remarquer que Spinoza n'emploie pas le vocable de système pour qualifier sa propre entreprise philosophique. Alors il est vrai que l'absence d'un terme ne constitue pas une preuve suffisante pour affirmer que l'idée qu'il exprime n'est pas présente d'une manière ou d'une autre à l'intérieur d'un corpus. Et en ce sens, il faut noter que lorsque Spinoza veut exprimer quelque chose qui s'apparente à la constitution d'un système, c'est au terme d'ordre qu'il recourt. Lorsque Tchernos lui demande, par exemple, comment de l'étendue infinie peut sortir la variété des corps, Spinoza lui répond, c'est dans la lettre 58, il lui répond, je cite, « Jusqu'ici, il m'a été impossible de rien disposer avec ordre sur ce sujet. » Fin de citation. Dans cette optique, il ne serait pas inexact de dire que l'ordre est le lieutenant du système, mais s'il en tient lieu, ça n'autorise pas pour autant à considérer que les deux termes sont strictement équivalents. En effet, l'absence du mot « système » invite à la prudence, pour éviter des méprises et des projections rétrospectives. Le fait que Spinoza ne l'utilise pas pour définir sa philosophie ne peut pas s'expliquer par l'apparition tardive de ce vocable. Bon, si à l'origine le mot grec systema désigne un amas de choses dont le seul point commun est d'être rassemblé, bon, ce mot prend ensuite la signification d'un ensemble d'éléments qui, loin d'être juxtaposés, sont reliés entre eux pour former une totalité organique. Bon, c'est ainsi que l'entendent les stoïciens, hein, qui sont, à ma connaissance, les premiers dans l'histoire à avoir pensé la philosophie comme système. Alors, si le terme de système connaît l'essor que l'on sait au XVIIIe chez les encyclopédistes et dans la philosophie allemande, il est déjà bel et bien présent au XVIIe, où il est employé bon, d'abord en astronomie, hein, comme en témoigne l'apparition en 1632 de l'ouvrage de Galilée, hein, le dialogue sur deux principaux systèmes du monde, mais il est employé également en philosophie, où le mot désigne par analogie, hein, un type de pensée qui relie entre elles un ensemble de notions de façon, pourrait-on dire, aussi ordonnée et solidaire que les constituants de l'univers. Fardella, donc savant et philosophe italien, fait ainsi paraître un système de la philosophie universelle en 1691, et Leibniz, à son tour, publie son système nouveau de la nature et de la communication des substances en 1695. Donc, à la fin du XVIIe siècle, Fontenelle constate avec une sorte d'irritation que le terme système est à la mode et que les philosophes ne jurent plus que par lui. Alors, ces données historiques, brièvement rappelées, montrent que si Spinoza avait eu l'intention de présenter sa philosophie comme système, il aurait pu le faire, et que s'il ne l'a pas fait, alors qu'il disposait d'un concept, c'est sans doute pour des raisons qu'il convient d'élucider. Alors, à cet égard, il faut noter, premièrement, que le philosophe hollandais n'a jamais eu pour projet de présenter un système achevé des sciences où l'ordre du connaître épouserait l'ordre de l'être. De sorte que ceux qui lui font grief de ne pas être exhaustif se sont mépris sur ses intentions. Si, en droit, il ouvre la possibilité de déduire la totalité des choses à partir de la substance absolument infinie, en fait, ce n'est pas du tout cette préoccupation qui l'anime. Bon, il n'y a qu'à remarquer l'indifférence qu'il affiche à l'égard de l'élucidation de la nature des modes infinis, immédiats et médias, hein, lorsqu'il est prié par Schuller de donner des exemples de ces modes mystérieux, il lui répond avec concision et de façon assez elliptique dans la lettre 64, en présentant l'entendement absolument infini comme mode infini immédiat de la pensée, le mouvement et le repos comme mode infini immédiat de l'étendue, et la mystérieuse facies totius universi comme mode infini immédiat, sans préciser, dans ce dernier cas, s'il concerne l'étendue seule, ou la pensée et l'étendue, ou tous les attributs. Ce qui fait que les commentateurs glosent indéfiniment sur ce point. Cette indifférence s'explique eu égard au dessein de Spinoza, tel qu'il le formule dans ce qu'on pourrait appeler une courte préface de l'éthique 2. Le but n'est pas de déduire l'infinité des choses qui découlent de la substance, mais, je cite, seulement celles qui peuvent nous conduire comme par la main à la connaissance de l'esprit humain et de sa suprême béatitude. Fin de citation. Alors cette restriction n'est pas un apax dans l'œuvre, puisqu'elle figure déjà dans le traité de la réforme de l'entendement, je renvoie au paragraphe 21-22, où l'auteur confesse qu'il écarte dans les sciences tout ce qui est inutile au but d'atteindre la suprême perfection humaine. Donc, de ce point de vue, l'éthique n'a pas pour ambition d'être le système achevé des connaissances et n'a rien à voir avec, par exemple, le projet baconien de parcourir ce que Bacon appelle le petit globe du monde intellectuel pour recenser les connaissances acquises et découvrir les terres inconnues en dressant la liste des savoirs manquants. L'éthique ne se présente pas comme une encyclopédie des connaissances, mais comme un manuel de béatitude, conduire comme par la main à la béatitude suprême, et à ce titre, l'éthique élimine, pourrait-on dire, tout ce qui est superflu. On comprend ainsi pourquoi, à la différence de Descartes, Spinoza n'a pas développé de physique à proprement parler, mais se contente de quelques prémices concernant les corps exposées entre les propositions 13 et 14 de la partie 2. Spinoza n'entend pas traiter de la nature et des lois des corps en général, ni même du corps humain en particulier. Il ne s'intéresse au corps humain qu'en tant qu'il est l'objet de cette idée qu'est l'esprit. Autrement dit, il ne s'y intéresse qu'en tant qu'idéa qui est susceptible de faire connaître la nature de l'esprit. C'est pourquoi il mobilise de la réflexion sur le corps que ce qui est nécessaire pour la compréhension de l'esprit et son salut. D'où le caractère lapidaire, incomplet, voire hypothétique de son propos. Et il le revendique ouvertement dans le scolite du lemme 7 de l'éthique 2, lorsqu'il présente la thèse selon laquelle on pourrait penser la nature tout entière comme un seul individu, comme une seule union de corps. Voilà ce qu'il dit. Si l'intention avait été traiter du corps ex professo, j'aurais dû l'expliquer, le démontrer de façon plus prolixe. Fin de citation. Est-ce que ça veut dire alors qu'on est tort, ou qu'on a eu tort, de considérer Spinoza comme un penseur systématique? Loin s'en faut, parce que la mise au point que je viens de faire n'invalide pas, pour autant, l'idée qu'une systématicité puisse être à l'œuvre dans sa pensée. Et en effet, système et système, tant la compréhension et l'extension de ce concept changent en fonction de son type de constitution. Pour aller vite, parce que je n'ai pas tellement le temps de développer, on peut tout aussi bien concevoir le système de façon objective, comme la saisie totalisante du réel à partir de ses causes, ou de façon subjective, comme le résultat d'une organisation des connaissances par l'esprit humain à partir de principes. Bon, c'est ainsi que l'entendait Condillac dans son traité des systèmes, lorsqu'il le définissait, je cite, comme disposition des différentes parties d'un art ou d'une science dans un ordre où elles se soutiennent toutes mutuellement et où les dernières s'expliquent par les premières. Condillac préconise donc d'ordonner les différentes parties des sciences autour de principes qui en rendent raison. Et il estime ainsi, je le cite à nouveau, que le système est d'autant plus parfait que les principes sont en plus petit nombre, et il est même à souhaiter qu'on les réduise à un seul. Alors, de ce point de vue, il est possible de considérer l'éthique comme la science de la béatitude et de concevoir ses différentes parties comme un système ordonné des connaissances nécessaires à cette fin et de déduire ces connaissances à partir de la substance. L'éthique ne serait donc pas le système total de la connaissance de l'être, mais le système achevé de la science, de l'esprit, parfaitement joyeux, dans la béatitude. Sans prétendre à l'exhaustivité et à l'intelligibilité intégrale du réel, qu'il ouvre comme un horizon possible, la pensée de Spinoza obéirait donc bien à une visée systématique, et elle pourrait constituer, avec son écriture géométrico, un modèle du genre. La systématicité spinoziste correspondrait alors à une forme de rationalité qui s'attache à restituer l'ordre ontologique des choses ou l'ordre gnoséologique des matières, non pas en eux-mêmes et pour eux-mêmes, mais seulement dans la stricte mesure requise par un ordre anthropologique régi tout entier par le critère de l'utilité. On aurait ainsi affaire à ce qu'on pourrait appeler une systématicité utilitariste, fondée sur une métaphysique minimale et marquée par l'économie du propos. Alors, cette requalification de la systématicité spinoziste est sans doute plus adéquate que la vision d'une éthique géométrique déployant à travers ses démonstrations les figures du savoir absolu. Convient néanmoins, une fois de plus, de ne pas se fier aux apparences et de ne pas se laisser piéger par ce qu'on pourrait appeler les filets du moré géométrico. Si systématicité utilitariste il y a, il faut aussi constater qu'elle est singulièrement mise à l'épreuve et battue en brèche, comme en témoignent des scolies qui digressent parfois bien au-delà de ce qui est nécessaire pour le propos. À titre d'exemple, on peut se référer aux réflexions suscitées par le cas du poète espagnol devenu amnésique, où Spinoza se demande si au fond on pourrait pas assimiler ce phénomène à une forme de mort, ou si le passage de l'enfance à l'âge adulte ne peut pas à son tour être pensé comme une forme de trépas, bon, avant de s'arrêter dans ses propos aventureux, pour ne pas, dit-il, donner matière aux superstitieux. Et comme vous le savez, loin de voir dans l'œuvre de Spinoza, l'éthique de Spinoza, l'expression d'une unité systématique, Deleuze distinguait plusieurs éthiques. Bon, l'éthique à ciel ouvert des propositions, l'éthique souterraine des scolies. Mais même au-delà de ce qu'on pourrait appeler l'anomalie sauvage de certains scolies, qui digressent, il est possible d'observer au sein même des démonstrations, des flottements, des fluctuations, ou des hypothèses reconnues comme hasardeuses et qui n'ont rien à voir avec l'idée que l'on s'en fait d'une visée systématique. Bon, c'est ce qui se produit par exemple dans le corollaire de la proposition 17 de la partie 2 de l'éthique, hein, pour établir que l'esprit humain pourra contempler comme présent des corps extérieurs qui ont affecté une fois le corps humain, même s'ils sont absents ou s'ils n'existent pas, Spinoza recourt à une démonstration dont il reconnaît lui-même qu'elle n'exhibe pas forcément la cause qui explique que nous puissions contempler comme présent ce qui n'est pas. Bon, en substance, il explique que la représentation des choses en leur absence provient de la réitération du mouvement des parties fluides du corps sur les molles et de leur réflexion. Bon, je ne rentre pas dans le détail. Ce qui m'intéresse, c'est que après cette démonstration en bonne et due forme, Spinoza écrit dans le Scoli, je cite, « Nous voyons donc comment il peut se faire que nous contemplions comme présent ce qui n'est pas, ce qui arrive souvent, et il peut se faire que cela arrive encore pour d'autres causes, mais il me suffit ici d'en avoir montré une par laquelle je puisse expliquer la chose comme si je l'avais montrée par la vraie cause, et je ne crois pas pour autant être très éloigné de la vraie, puisque tout ce que j'ai assumé en fait de postulat ne contient pour ainsi dire rien qui ne soit établi par l'expérience. » Je m'arrête sur ce point, fin de citation. Et il faut noter que c'est d'ailleurs à propos du corps et de l'abrégé de physique, où il est peu prolixe, peu démonstratif, que Spinoza se livre à des remarques inventives et se risque à des hypothèses qui intéressent tout particulièrement les biologistes, notamment l'explication du mouvement corporel dit volontaire, sans recours à une causalité de l'esprit. Je renvoie là au Scoli 2 de la, la partie 3. Nous pourrions ainsi reconnaître, avec Bergson, que si, avec Leibniz et Spinoza, je cite, « on est en présence d'une systématisation de la physique nouvelle, systématisation construite sur le modèle de l'ancienne métaphysique, dans le prolongement du mécanisme cartésien », je cite toujours, « il y a chez l'un et chez l'autre, chez Spinoza surtout, des poussées d'intuition qui font craquer le système. » Fin de citation, donc c'est l'évolution créatrice. Et ce sont sans doute ces craquements du système, ces fulgurances et ces failles qui offrent matière à penser, comme cette évocation subreptice du charme des plantes vertes ou des parfums, dans un scoli consacré à la chasse à la mélancolie. Mais n'en déplaise à Bergson, les poussées d'intuition ne sont pas extérieures au système. Elles en sont ce que j'appellerais la respiration nécessaire. Comme celui du bois dur, le craquement du système prouve qu'il travaille. Ainsi, mis à l'épreuve, il se fend et se refend et persévère dans le dur métier de durer. Je vous remercie pour votre attention. Merci madame pour ces exposés extrêmement intéressants. Moi j'aurais une petite question avant de proposer à la salle évidemment de participer. Alors évidemment ça renvoie à des centres d'intérêt qui sont les miens, mais quand vous parlez quand vous dites que Spinoza n'évoque le corps que dans son rapport avec la compréhension de l'esprit, vous avez aussi mentionné dans les scoli le fait qu'il fait également mention du corps. En quoi, à votre avis, cette question du corps vient mettre à mal justement le système? Vous l'avez un petit peu dit à la fin, mais est-ce que vous pourriez développer ce point? Alors, il ne s'agit pas du tout de mettre à mal le système, mais de montrer qu'il est ordonné autour d'une préoccupation fondamentale qui est celle de mobiliser les connaissances nécessaires pour la connaissance de l'esprit humain et de sa béatitude. Et de ce fait, Spinoza forcément s'intéresse au corps, puisque il le dit dans la partie 2, dans la proposition 13 et son scoli, que puisque l'esprit humain n'est rien d'autre que l'idée du corps, une manière de penser le corps et ses affections, eh bien, forcément, pour connaître la nature de l'esprit humain, il faut connaître la nature de son objet. Et il affirme même un principe selon lequel pour penser la supériorité, l'éminence des esprits et leur nature, il faut la référer à celle du corps et donc confronter les différences entre les corps. Donc ça ne veut pas dire pour autant qu'il néglige le corps, mais qu'il s'y intéresse, qu'il s'intéresse à ce que peut le corps, que pour autant que ça éclaire la puissance de l'esprit. Et de ce fait, ça ne met pas à mal la systématicité au sens où on définit une systématicité comme un ensemble de connaissances reliées entre elles en fonction d'un principe, et ce principe, c'est celui de la connaissance de l'esprit humain de sa suprême béatitude. Mais ça remet en cause l'idée d'une systématicité revendiquée par Spinoza qui consisterait à penser son projet comme une encyclopédie devant explorer tous les... Et en droit, c'est possible, puisque on peut tout déduire à partir de la substance. Mais Spinoza se cantonne à déduire ce qui est nécessaire. Donc, voilà pourquoi j'ai dit que ça met la systématicité à l'épreuve, parce que ça amène à la reformuler. Mais le fait que ça la reformule, ça n'invalide pas l'idée qu'on puisse quand même penser une systématicité plus radicale. Et sur ce point, parce que là, je n'ai pas eu l'occasion de développer, le fait que nous ne connaissions que deux attributs, ça n'invalide pas l'idée qu'il puisse y avoir une connaissance intégrale du réel, puisque comme chaque attribut nous fait connaître l'essence de la substance, à la limite, il suffit de connaître un attribut pour concevoir la substance absolument infinie. Donc le fait que nous ne connaissions pas l'infinité des attributs n'est pas un argument contre un projet qui n'est pas celui de Spinoza, qui viserait à rendre raison de la totalité de l'être. D'accord. Bon, merci. Voilà. J'ai une question liée à l'histoire de la philosophie, l'autre au style de la pensée. Donc la première, si vous avez montré que Spinoza s'éloigne de l'esprit de système tel qu'il est conçu au XVIIIe siècle, je me demande si vous n'avez pas montré inversement, qu'il s'approche des penseurs du XVIIe siècle par une pensée de l'organicisme, par une logique du vivant. Vous nous avez parlé de la nature qui peut être pensée comme un individu. Et lié à cette question, et à propos du style, à propos des intuitions qui échappent à la systématicité. Je pourrais parler un peu plus fort, parce que je crois que les personnes qui sont au fond ne t'entendent pas. À propos de style de l'écriture et de la pensée, si on peut parler chez Spinoza, comme chez Bergson, d'une intuition qui n'est pas complètement conceptualisable. Alors, pour le premier point, le fait de penser la nature comme un individu, ça n'est pas... l'expression de ce qu'on pourrait appeler un vitalisme, dans la mesure où l'individu est d'abord pensé comme une union de corps, et les corps se constituent d'abord sous la pression d'autres corps qui les maintiennent pressés ensemble, où ils se constituent, il y a une union de corps, lorsque des corps ensemble se communiquent le même mouvement. Donc on est encore dans un schéma mécaniste avec peut-être une pensée plus dynamique, mais même si le concept de vie figure chez Spinoza, la notion d'organisme sera plus tardive. Cela dit, il est vrai qu'il y a quand même l'idée, il y a quand même l'idée d'une dynamique, d'une dynamique de l'individualité, et ça n'est pas simplement pensé comme une sorte de composition, de juxtaposition de corps. Alors, pour répondre à la deuxième question, il est clair qu'il y a une homonymie entre les concepts d'intuition chez Bergson et chez Spinoza. Bon, Spinoza ne parle pas d'intuition, mais de science intuitive. Et la science intuitive n'est pas le contraire d'un processus discursif, puisqu'elle se définit, lorsque Spinoza parle de la connaissance du troisième genre, il dit qu'elle procède de l'idée adéquate de l'essence formelle de certains attributs de Dieu, à savoir l'étendue de la pensée, vers l'essence des choses. Donc il y a bien un mouvement qui embrasse une forme de déduction, et en ce sens-là, la science intuitive, et c'est une science intuitive, implique une rationalité. Ce n'est pas quelque chose qui serait extérieur à la rationalité, quelque chose qui s'opposerait à un ordre géométrique. Merci. Est-ce que tout le monde entend bien? Oui, ça va? Merci pour votre exposé. Moi, j'aurais une question en fait qui permet peut-être de mettre en dialogue l'un des articles de la revue et de votre communication. En fait, c'est sur l'idée selon laquelle Spinoza ferait la promotion d'une systématicité utilitariste. Et j'ai pas pu m'empêcher, en fait, en vous entendant dire cela, de faire le lien avec l'article de Marion Chautin, en fait, qui mettait en avant le fait que la formation d'un système des connaissances chez les encyclopédistes était nue d'abord par des besoins. C'est-à-dire que ce n'était pas pour une visée purement de connaissances pures. Mais excusez-moi si je transgresse un peu, si je défends sa pensée. Mais je vais peut-être lire un petit peu juste la phrase qui me semble aller dans ce sens. Et après, il me semble qu'il y a quand même une différence chez Spinoza et dans la pensée des encyclopédistes, dans ce rapport justement entre utilité, on va dire connaissance, quand même chez Spinoza. Donc je me permets de lire juste le passage pour voir le lien. Alors Marion Chotin dit « Tandis que chez Descartes, le fondement a priori du système des connaissances n'est autre que l'ego théorique, doué d'une lumière donatrice d'intelligibilité, il se définit pour les encyclopédistes comme prioritairement pratique, porteur d'une lumière révélatrice d'utilité. » Donc il me semblait qu'ici on voyait un lien fort. Cependant, peut-être que vous pouviez préciser un peu votre pensée ici. J'avais un peu le sentiment que vous distinguiez en fait connaissance et utilité, alors que chez Spinoza, il n'y a pas vraiment cette distinction. C'est connaître plus, c'est une augmentation de puissance. Donc est-ce qu'on peut distinguer autant l'entreprise de connaissance et cette idée d'utilité en fait ? Est-ce qu'il y a vraiment une soumission comme ça d'un objectif à un autre, ou est-ce que quand même pas lié fondamentalement les deux ensemble ? Alors d'abord, évidemment, dire que c'est le critère de l'utile, je n'ai pas eu le temps de le préciser, tout dépend de la manière dont on va définir l'utilité. L'utilité, ce n'est pas la référence ici aux besoins. J'ai bien précisé que c'est utile pour le salut, hein, c'est utile pour la suprême béatitude. Donc c'est ce que Spinoza appelle l'utile propre. Et ce qui est utile, par exemple, c'est de vivre sous le commandement de la raison. Hein. Ce qui est utile, c'est de convenir en nature avec ceux qui vivent sous le commandement de la raison, ou de rechercher les hommes qui vivent sous le commandement de la raison. Donc l'utilité ici ne renvoie pas à la satisfaction de besoins corporels, vitaux. Hein. C'est effectivement ce qui est utile pour le projet. Et de ce point de vue-là, ce qui augmente la puissance d'agir, de l'esprit et du corps, eh bien, va permettre d'augmenter la joie et de tendre vers la suprême béatitude. Donc, le critère de l'utilité, ça n'est pas un utilitarisme au sens où on l'entendra par la suite. Hein. C'est utile renvoie forcément au développement des connaissances. Mais il y a une sélection qui s'opère quand même dans le travail de Spinoza, au sein des connaissances qui renforcent la puissance d'agir, les connaissances que l'on laisse provisoirement de côté comme n'étant pas immédiatement source d'augmentation de la puissance d'agir. Alors, est-ce que vous avez des questions ? Oui, bien sûr. Oui, moi j'ai beaucoup apprécié le travail de Chantal parce qu'elle montre bien en quoi la systématicité, ça n'est pas ce qu'on représente pragmatiquement d'habitude. Je retiens sur exposé que systématique, un, c'est pas exhaustif, et deux, c'est pas figé. Ça suffit déjà à écarter les plus larges objections. Je voudrais revenir sur la fin de ton exposé. Tu as tout à fait raison de critiquer Bergson, parce qu'en réalité, ce qui empêche Bergson de comprendre ce qui se passe dans les moments qui appellent le craquement du système, ce qu'il ne voit pas, c'est que ce qu'il appelle des poussées d'intuition, en fait, ce n'est pas du tout des poussées d'intuition, ce sont des productions du système. Non seulement elles ne sont pas extérieures, mais elles sont produites par ce que le système a fait. C'est-à-dire, il faut se représenter la systématicité en deux temps. C'est-à-dire, d'une part, le système est effectivement capable de tout absorber. Il n'y a rien qui peut rester en dehors, qu'il l'expose ou pas. Simplement, il y a un prix à payer pour absorber les choses dans le système. Donc, on peut prendre la physique nouvelle, la théorie des passions, la théorie du droit, la politique, les États-Unis, etc. Tout ça, le système est capable de le traiter. Simplement, pour le traiter, à chaque fois, il faut modifier de champ proche cette forme de concept. Et ce qui, de temps en temps, amène Spinoza à réfléchir sur « j'ai prouvé comme ça, je pourrais prouver autrement », ou bien le coup de poète espagnol, c'est pas tellement quelque chose d'extérieur dont tout d'un coup il se dirait « ça marche pas », c'est le prix conceptuel qu'il a à payer pour faire entrer quelque chose d'extérieur dans son système. Donc en fait, même, il faudrait dire l'extérieur est à l'intérieur. Même les éléments de crise, ils sont produits par la systématicité elle-même. Ça juxtaposerait dans le simple incohérence ce que des tas de formes de pensée acceptent très bien. Je suis entièrement d'accord, c'est pour ça que je suis peut-être un peu expéditive avec Bergson en disant que les craquements n'étaient pas extérieurs au système. Et surtout, ce qui est frappant, c'est la manière, on va dire, de voir, c'est la manière dont Spinoza finalement recompose son système en fonction aussi des objectifs. Bon, parce qu'évidemment, on a l'éthique présente à l'esprit, mais dans le traité théologico-politique, par exemple, ce qui est frappant, c'est la manière dont il va mobiliser des éléments qu'il pourrait lui-même désavouer, comme quand il fait allusion à la création. Il a mobilisé des éléments qui seront susceptibles de convaincre un lecteur de la nécessité de la liberté de philosopher, par exemple, et il va reprendre un vocabulaire ou des éléments qui ne cautionnent pas dans l'éthique, mais qui sont acceptés par le public éclairé au XVIIe siècle. Et à ce niveau-là, donc, il y a une autre stratégie, où on peut intégrer même des choses avec lesquelles on est en désaccord, parce que ça va produire un effet de conviction supérieur aux propres thèses véridiques que l'on pourrait exposer. Donc il y a là effectivement une sorte de stratégie d'écriture qui va être tout à fait différente selon les œuvres. Et c'est pourquoi ce ne sont pas des contradictions ou des incohérences, c'est en fonction de l'objectif, on redispose des éléments qui vont permettre d'atteindre le but visé. Donc ça, je suis tout à fait d'accord avec toi sur ce point. Alors, ce sera la dernière question, je suis désolée, pour qu'on puisse enchaîner ensuite. Voilà. Monsieur. Je me demande si, c'est pour Chantal, je me demande, s'agissant, c'est juste à dire, parce que nous, qui je ne permettrai pas de expliquer quoi que ce soit, mais s'agissant de l'absence du mot système. Assez tard, et au fond, je trouve que tu donnes un bon repère en citant Fontenelle. Assez tard, chez les auteurs du XVIIe siècle, système est très lié à l'idée d'hypothèse astronomique. C'est-à-dire, système veut dire hypothèse astronomique. C'est le cas chez le premier Leibniz, quand il dit mon système, bon, c'est le système de la circulation harmonique. Et même dans le cas du système nouveau de la nature et de la communication des substances, s'il parle de système, c'est parce que l'hypothèse de l'harmonie préétablie est conçue comme une hypothèse sur le modèle des hypothèses astronomiques. De telle façon que je me demande si tout simplement Spinoza ne parle pas de système parce qu'il ne fait pas d'astronomie. C'est une réponse qui me paraît tolérable. C'est possible, mais il y a le fait que le concept de système a aussi été appliqué, par exemple, par quelqu'un comme Fardella. À la philosophie à proprement parler, c'est-à-dire que c'est le moment où s'opère le glissement de la conception du système en astronomie à la philosophie. Donc en ce sens-là, l'idée de système commence dans la seconde moitié du XVIIe à être revendiqué pour exprimer la mise en ordre ou la vision du monde, pas seulement astronomique, mais philosophique. Hein. Et c'est pourquoi l'hypothèse que tu avances est sans doute probable, mais ne rendrait pas complètement compte du fait que, déjà en philosophie, cette notion de système était utilisée. Alors évidemment, c'est pour ça que je disais que le mot n'est pas décisif. C'est la notion d'ordre qui prend le relais. Mais en même temps, quand on voit que Fardella et que à la fin du XVIIe, on ne jure que par ce terme, pas seulement employé en astronomie, pour Spinoza, à la fin du XVIIe. Justement, parce que tu as très bien exposé cette idée de l'ordre. Parler de système, ça charge d'autres idées. C'est moins pur comme notion, très paradoxalement, au moment où écrit Spinoza. C'est une notion qui est moins pure que la notion d'ordre. La notion d'ordre est tout de même très ambiguë dans la mesure où Spinoza, par exemple, dans l'appendice de la partie analytique, montre que c'est une notion imaginative. Nous imaginons de l'ordre dans les choses, nous les voyons confuses en fonction de nos propres préoccupations. Donc il y a une notion imaginative et il y a une notion qu'on pourrait appeler rationnelle, celle qui renvoie au principe de causalité. Donc la notion d'ordre charrie aussi un cortège de représentations fausses. Les hommes voient un ordre dans la nature, un ordre finalisé, donc il peut y avoir confusion aussi. Oui, peut-être de. Plus il est vrai que Spinoza, bon, si le terme d'ordre peut qualifier sa propre démarche, il ne le revendique pas non plus comme tel, en raison justement de sa polysémie et des confusions que ça peut introduire, ou de l'aspect formel que pourrait prendre le terme d'ordre.